Retour à Futur Simple sur CKRL 89.1 et après ce séjour sur Mars, nous allons maintenant nous projeter aux confins de l'univers. Alors quand on parle de confins, on imagine une frontière floue, pas toujours bien déterminée, des territoires lointains. On peut penser par exemple aux confins du Sahara, aux confins de l'Arctique ou de la Sibérie. C'est quelque part très loin. Et a fortiori, à quoi ressemblent les confins de l'univers? Alors les astrophysiciens parlent plutôt d'horizon cosmologique et c'est là que nous emmène aujourd'hui l'astrophysicien Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bon début de soirée, Valérie. Tout d'abord, c'est un plaisir de vous retrouver, Jean-René, pour cette 30e saison de Futur Simple. Ça fait quand même plusieurs années qu'on vous entend sur les ondes de Oui, mais je CKRL pense à que Futur ça fait Simple. peut-être une dizaine d'années, mais félicitations, Valérie, d'avoir tenu la barre et de tenir cette émission. Surtout dans un contexte actuel, comme la radio d'État, en fait, qui n'a à peu près plus de propos scientifiques dans ses émissions d'actualité. Donc, vous faites un peu chemin à part et félicitations. Ah bah merci Jean-René, mais c'est pas seulement moi qui ai tenu la barre de Futur Simple toutes ces 30 dernières années quand même. C'est quand même, faut quand même reconnaître le travail de la créatrice, la fondatrice de cette émission, Marianne Kluger, il y a donc 30 ans. Donc revenons-en à nos moutons, les confins, l'horizon cosmologique. En fait, est-ce que cet horizon cosmologique, ce sont les derniers confins visibles de l'univers? Est-ce que c'est là où se projettent nos yeux, ce qu'on peut voir de plus lointain dans l'univers? Absolument. Donc, c'est une notion qui est assez difficile. Je m'en suis rendu compte à nouveau par les réactions de plusieurs des lecteurs de mon dernier ouvrage, À la poursuite de l'horizon. Et pour moi, c'est un peu dans un contexte beaucoup plus virtuel de l'horizon des connaissances. Donc, on explore et on traite bien de ce que nos outils de connaissances nous permettent, avec les outils instrumentaux aussi, de voir, d'observer. Et finalement, la question de horizon cosmologique est beaucoup plus concrète, entre guillemets. Elle est définie tout simplement par l'information qu'on reçoit. Donc, c'est un peu comme... Bon, à l'ère d'Internet, mais rappelez-vous, seulement il y a quelques années, vous receviez de l'information, par exemple, avant l'ère du téléphone ou du télégraphe, par lettre. Donc, l'information que vous aviez, finalement, datait du temps où la lettre avait été postée. Donc, la même chose pour l'univers. L'information qui nous parvient des différents objets, date, entre guillemets, du temps où la lumière a quitté ces objets. Donc, ici sur Terre, vu que les distances sont très courtes, la lumière qui parcourt à une vitesse de l'ordre de 300 000 km par seconde, le chiffre plus simple à retenir, 1 milliard de kilomètres à l'heure. Okay? Donc, ça va vite. Donc, l'information, quand vous regardez la Lune ce soir, qui est très belle, le croissant qu'on voit après le coucher du Soleil, la lumière qui vous arrive de la Lune a quitté la surface de la Lune il y a une seconde. Donc, vous voyez la Lune telle qu'elle était il y a une seconde. Dans la journée, quand il fait très beau, comme ces jours-ci, la lumière que vous voyez a quitté le Soleil il y a 8 minutes. Donc, vous voyez le Soleil comme il était il y a 8 minutes. Et on peut ainsi de suite procéder. La lumière qui a quitté Jupiter a quitté Jupiter il y a environ 3 ou 5 heures. De là, si on va à Pluton, c'est encore un peu plus grand. Et les objets humains qui sont les plus loin, ce sont les sondes voyageurs lancées en 1960. Et 17 pour explorer le système solaire. Et ces deux sondes, Voyageur 1, Voyageur 2, nous envoient toujours des signaux, mais on reçoit les signaux tels qu'ils ont été émis il y a 24 heures. Donc, si on va plus loin, la lumière des étoiles les plus proches a quitté les étoiles il y a 4 ans. Donc, vous voyez ces étoiles telles qu'elles étaient Ouais. il y a 4 ans. Si vous regardez l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu, et il est Ouais. visible à ce temps-ci, c'est la galaxie d'Andromède, dans la constellation d'Andromède. C'est notre grande galaxie sœur, un système de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et la lumière qui nous arrive des étoiles de la galaxie a quitté la galaxie il y a 2,5 millions d'années. Donc, c'était à l'époque, la lumière, regardez cette galaxie avec des jumelles, la lumière qui atteint vos yeux, elle a quitté la galaxie quand c'était l'Australopithèque qui courait les savanes de l'Afrique. Donc, vous voyez cette espèce d'horizon, et vous poussez, poussez, poussez, et maintenant, quel est, dans le cadre actuel, et on a des informations qui le confirment, entre guillemets, les objets les plus lointains qu'on puisse voir, ce sont ceux qui ont à peu près l'âge de l'univers, c'est-à-dire qu'ils ont émis leur lumière lorsque l'univers avait à peu près 13 milliards d'années-lumière, parce que les galaxies se sont formées quelques centaines de millions d'années, les premières grandes étoiles qui nous envoient la lumière. Donc, les télescopes, les grands télescopes au sol, le télescope spatial Hubble, le télescope James Webb sont capables de détecter les objets très, très faibles et on peut déterminer par une horloge qui est finalement dans le spectre à quel moment cette lumière pendant combien de temps cette lumière a voyagé, et Ah ça oui. correspond à peu près à 13 milliards d'années-lumière. Ça constitue finalement le moment le plus loin qu'on peut voir parce que la personne qui a écrit la lettre, c'est-à-dire l'étoile qui a émis ses photons, venait juste de naître, n'existait pas avant, entre guillemets. Donc, c'est comme si le bébé qui vient de naître envoie des lettres dans le passé. Donc, non seulement vous ne pouvez pas avoir de lettres du bébé avant qu'il soit né, mais aussi vous devez compter sur le temps de transmission de la lettre qui est ici, qui est la lumière. Mais là, il y a plusieurs questions qui me viennent avec ça et je fais un parallèle avec l'horizon sur Terre. Quand on regarde l'horizon sur Terre, ah, mais si on se déplace, on peut voir plus loin. Donc là, est-ce que l'horizon cosmologique, est-ce que ça dépend de là où on est? Est-ce que si on se déplace quelque part dans les confins de notre galaxie, est-ce qu'on va voir plus loin? D'abord, vous seriez dans la même situation qu'on l'est ici. Donc, c'est un horizon que j'appelle un horizon dur. Donc, il n'y est pas comme, justement, à la surface de la Terre, et il s'agit simplement de se donner le temps pour atteindre. On le voit, si vous faites de la randonnée à montagne, vous avez toujours la frustration de monter vers un col et d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore sur le plateau du col. Il faut encore continuer. Pour le cas de l'horizon cosmologique que je viens de vous décrire, c'est un mur dur. Il n'est pas possible d'avoir la lettre du bébé avant qu'il soit né, entre guillemets. Donc, mais il y a un autre enjeu, c'est cette fameuse vitesse donc là, je parle de l'horizon temporel, mais dans le temps, le signal qui nous parvient finalement 13 milliards d'années plus tard. Donc, on voit en quelque sorte un signal qui a voyagé pendant 13 milliards d'années. Mais contrairement à l'exemple de la lettre qui se voyage sur la surface d'une planète qui est fixe en dimension, là, on a affaire à un signal qui voyage en parcourant quelque chose qui s'agrandit avec le temps. Ah oui. Donc, je parlais d'horizon dur, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Donc, je vais amollir mon horizon. Pendant le temps que la lumière a voyagé, ces 13 milliards d'années, l'univers a continué de s'agrandir. Donc, les objets qu'on voit, entre guillemets, avec des grands télescopes aux frontières de cette limite temporelle, ils sont maintenant rendus beaucoup plus loin. Okay? Donc, le bébé a grandi, il a Ouais, c'est voyagé, ça. et il est rendu plus loin. Donc, on estime que les objets les plus lointains pour lesquels la lumière a voyagé pendant 13 milliards d'années, donc il a parcouru une distance à peu près de 13 milliards d'années-lumière, ces objets-là sont rendus à une distance beaucoup plus grande, en fait, de l'ordre de probablement 45 milliards d'années-lumière. Oui, Donc, oui. la sphère de l'horizon, que je Ouais. considérais dure, si on peut l'imaginer dans sa tête que cet horizon qu'on ne pourra pas observer avant des milliards et des milliards d'années, le signal a besoin de temps encore de nous arriver. Cette sphère qui actuellement nous qu'on peut observer, qui correspond à 13 milliards d'années-lumière, elle est maintenant de 90 milliards d'années-lumière. Ah oui, ah oui. Donc, c'est pour ça que je parlais d'horizon dur que j'ai Ouais. amolli. Ouais. Tout ça, comme nous, par rapport au point des galaxies les plus lointaines, on est aussi à la moitié de cette sphère, Ah là, oui. entre à 45 milliards d'années-lumière. Ah Mais oui. ça n'a pas de sens. C'est qu'on ne peut pas rejoindre entre eux. On n'a pas de lettres communiquées instantanées. On n'a C'est pas ça. de lettres communiquées. C'est comme si on reprend l'exemple. Prenons Neptune ou Pluton, qui sont à peu près une distance de 3-4 milliards de kilomètres, donc, qui nous prennent quelques heures à transmettre leur signal. Quand vous regardez la position dans le ciel, vu qu'elles sont en orbite, la planète n'est plus là où vous la voyez, vu qu'elles Exact. sont en mouvement orbital. Donc, astronautiquement, on corrige, on connaît assez bien la cinématique du système solaire. Donc, quand on envoie un objet, il faut tout calculer ça, que Ah oui. attention aux observations qu'on prend. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, on essaie de faire pour les missions qui vont très, très lointaines, on fait des observations continuellement parce qu'il y a toujours des petites perturbations. Et quand on veut arriver à quelques kilomètres près d'un point autour de Saturne, Jupiter et tout, faut tenir compte que nous, quand on l'observait, cette position-là, attention, elle a changé, elle change Ah ouais. avec. Ah oui. Donc, vous voyez, il y a horizon dur, Ouais. hein, mais la lettre, entre guillemets, parcourt une trajectoire qui s'étire continuellement. Puis une autre question aussi qui me venait, c'est qu'on bon, vous avez parlé d'ailleurs d'émissions de lumière par les corps, par les étoiles, mais il n'y a pas toujours eu de la lumière dans l'univers au tout début. Il n'y avait pas de lumière au tout début. Donc finalement, est-ce Donc, que cet horizon cosmologique, c'est pas le. On peut pas dire que c'est le début de L'horizon, l'univers. c'est une très bonne question. Le signal le plus lointain qu'on observe, c'est ce qu'on appelle le fond de rayonnement cosmique en micro-ondes. Donc, justement, c'est un bassin de lumière qui, le résultat des réactions nucléaires, la fusion d'hydrogène en hydrogène qui a eu lieu dans les premières minutes de l'univers. Toujours selon le modèle standard du Big Bang. La lumière était très chaude. Donc, il a produit des réactions nucléaires et converti la majeure partie de l'hydrogène en hélium. Donc, ça a produit des rayons gamma, mais avec l'expansion de l'univers, ces rayons gamma se sont étirés en longueur d'onde, ont été finalement en quelque sorte de lumière. Et le dernier moment où ils étaient en quelque sorte de la lumière, c'est 380 000 ans après la naissance, entre guillemets, de l'univers, le début de l'univers, après le Big Bang. Donc, à ce moment-là, l'univers avait agrandi, sa température avait chuté, selon les lois de la thermodynamique, à peu près à 3000 degrés. Donc, la température des photons gamma du début avait refroidi et c'était cette lumière. Et à ce moment-là, les électrons se sont recombinés aux protons et là, il n'y avait plus de lumière. C'était la grande noirceur. Mais finalement, quand cette lueur est demeurée, entre guillemets. C'est dur pour les Ouais. neurones d'essayer d'imaginer ça. Donc, c'est cette chaleur fossile qu'on appelle qui donne le fond de rayonnement cosmique qui, de 3000 degrés qu'il était à l'époque, est maintenant à 2,7 degrés Kelvin. Et ça, on peut détecter ça dans le domaine des micro-ondes. Et ça, c'est vraiment la frontière de lumière à laquelle vous faites Ouais. allusion, Valérie, la plus lointaine qu'on peut atteindre. Il y a des gens qui parlent de détecter aussi lors du feu d'artifice de réaction nucléaire des tout débuts, des premières minutes convertissant en hydrogène, en hélium. Quand on fait des réactions nucléaires, on produit beaucoup de neutrinos, une particule dont on a parlé il y a un certain temps, l'année dernière. Et cette particule, en fait, remplit l'univers un peu. Il y a une espèce de fond de particules neutrinos, de neutrinos primordiaux, des reliques de neutrinos, qui est le terme utilisé, qu'on cherche à détecter, mais ça va être très, très difficile. Donc, c'est, en fait, parlant d'horizon, ces gens. Mais c'est intéressant la question que vous posez sur ces vestiges de lumière. Il faut aussi penser qu'autour de nous, il y a de la lumière. Le ciel n'est pas complètement noir, pas à cause de la pollution lumineuse, ce qui est un problème qu'on peut régler. Vous avez un endroit très noir, le ciel n'est pas complètement. Il y a un fond lumineux dû à toutes sortes de. Mais une partie de ce fond lumineux, c'est de la lumière d'étoiles disparues. Donc, la lumière, quand elle est Ah partie, oui, c'est elle vrai. voyage. Elle OK. continue tant qu'elle ne frappe pas votre œil, la surface Oui. d'un télescope, une planète, etc. Elle voyage dans l'univers. Et quand l'étoile est morte, elle n'émet plus de lumière, mais sa Non. lumière continue à voyager. Et on observe aujourd'hui, on a des moyens d'observer, on regarde ces signatures de lumière d'étoiles éteintes. Parce que Donc, dans l'histoire de l'univers, il y a eu des espèces de sursauts de formation d'étoiles. ouais. Et on peut les carrer des périodes où s'est formé beaucoup plus d'étoiles, formation des galaxies, et on peut reconnaître ces sursauts d'étoiles. On peut voir des espèces de couleurs de lumière qui dominent plus dans le proche infrarouge, d'autres dans l'infrarouge beaucoup plus lointain, etc. Donc, on peut les voir, cette espèce de fond de rayonnement cosmique, dont ce dont j'ai parlé plus tôt est une composante. Il y en a d'autres aussi, la longueur d'onde plus courte, plus proche du visible. Et c'est un peu comme un orchestre où il y a les violons, il y a Ah les ouais. cuivres, il y a le clavecin, etc. et tout. Donc, qui donne des sonorités, entre guillemets. Et quand on regarde le fond lumineux de l'univers, le fond de rayonnement cosmique, on voit à différentes longueurs d'onde des dominances qui correspondent un peu à cette orchestration dont je viens d'utiliser l'analogie. Mais en même temps, donc, ces étoiles qui sont mortes, mais dont la lumière nous parvient encore, c'est d'anciennes générations d'étoiles, c'est comme si on faisait de l'archéologie, finalement. Très bien dit, c'est une espèce d'archéologie stellaire qu'on peut faire. Donc, le Soleil émet depuis 4 milliards et demi d'années, émet de la lumière, et dans 5 milliards, va probablement devenir une naine blanche, émettra peut-être plus, mais sa lumière au Soleil, de même que toutes les autres étoiles, elle se propage dans l'univers et va faire une signature que peut, entre guillemets, observer un astronome dans des centaines de milliards d'années comme étant une signature qui va rester. Mais au fur et à mesure que l'univers est en expansion, tous ces photons demeurent, entre guillemets. Le photon a une durée de vie, Ah oui. entre guillemets, éternelle en autant qu'on le sache à l'heure actuelle. Donc, à la fin de l'univers, il y aura, avec l'expansion, toutes ces longueurs d'onde auront été tirées par l'expansion, donc ce sera une lumière très, très froide, il y aura une combinaison de tout. Mais on pourrait imaginer dans X, je ne sais pas, trillions d'années, des astronomes qui pourraient exister et essayer de recomposer les anciennes générations d'étoiles en regardant leur espèce de partition dans l'orchestre du fond de rayonnement Ah cosmique. oui, il y a une partition. Une Donc, vous partition. voyez que la notion d'horizon nous amène très loin, mais c'est toujours relié à que l'information nous parvient de la lumière, nous a été mise à un certain temps et qui prend un certain, beaucoup de temps, même en voyageant à 1 milliard de kilomètres à l'heure, à nous parvenir. Mais c'est partout dans l'univers. Mais les photons ils ont un grand avantage, c'est qu'ils ne s'usent pas. Ah, j'aime bien cette idée-là. Mais là, vous avez parlé de lumière infrarouge. Donc là, on n'est plus dans le visible. Donc moi, initialement, là, je me disais, l'horizon cosmologique, c'est ce qu'on est capable de voir dans les longueurs d'onde visibles que ce que nous, on est capable de voir. Donc ça veut dire, est-ce qu'avec l'infrarouge, on est capable de voir plus loin? Il a fallu l'infrarouge pour voir plus loin parce que les objets qui ont émis dans le visible et l'ultraviolet, il y a 13 milliards d'années environ, des objets qui ont quelques centaines de millions d'années d'âge par rapport à la naissance de l'univers. Donc, cette lumière a voyagé pendant le temps que l'univers s'agrandit, entre guillemets, la lumière s'est étirée en longueur d'onde et ce qui était en effet de la lumière émise comme le soleil dans le visible ultraviolet est maintenant rendue dans l'infrarouge, l'infrarouge même moyen, donc qui est des longueurs d'onde à peu près 25 fois plus longues que ce que notre œil détecte, à des longueurs d'onde d'infrarouge lointain qui est de l'ordre 100 fois la longueur d'onde que nous on détecte, à des longueurs d'onde, quand on fait appel au fond de rayonnement micro-ondes, à des longueurs d'onde qui sont de l'ordre de 1000 fois plus longues, donc qui sont dans le domaine des micro-ondes et non plus de l'infrarouge, non plus du proche infrarouge, non plus du visible, non plus de l'ultraviolet. Donc, plus on veut regarder loin, en quelque sorte, plus il faut synchroniser le bouton pour avoir accès à des longueurs d'onde plus grandes. Et les technologies sont là et c'est ces technologies qui nous ont aidé beaucoup à justement s'approcher au moins de l'horizon dur et comprendre aussi ce qui s'est formé à l'origine. Et la notion d'archéologie, de descendre les couches, entre guillemets, est excellente. Et alors, une question connexe à ce moment-là, parce que là, on regarde l'univers avec différentes longueurs d'onde, mais est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce qu'il y a un horizon, donc parce qu'on a déjà parlé de comment de radioastronomie, donc est-ce qu'il y a un horizon aussi dans ce domaine-là, là, en radioastronomie? C'est le même horizon. On est C'est le toujours avec même? des ondes. Ok. C'est la même chose. Hein. Il n'y a C'est pas la de même chose. son. Le son, d'abord, ça ne se propage pas Ouais. dans le vide. Il a besoin de matériaux pour se propager. Donc, la notion de son n'est pas là. Mais l'autre chose qu'il faut soulever aussi, c'est que je vous parlais tantôt que la frontière de l'univers, où se situent les objets dont la lumière nous parvient maintenant, avec l'expansion, c'est agrandi à ce qui est peut-être une sphère de l'ordre de 90 milliards d'années lumière. Mais les modèles de cosmologie fondés sur le modèle Big Bang, début très très chaud, font appel aussi à une phase au tout début d'une fraction de plus petite qu'un milliardième de seconde, d'une phase d'expansion ultra rapide à vitesse beaucoup plus grande que la vitesse de la lumière. Ah oui. Donc, l'hypothèse, les conséquences de cette hypothèse, en fait, c'est plus qu'une hypothèse, c'est une théorie très structurée pour expliquer certaines propriétés actuelles, c'est que l'univers est colossalement plus grand que cette bille, entre guillemets, de 90 Ah milliards. Parce que tout ce qui est au-delà, ce qui est juste, par exemple, ce que je dis, l'univers a jusqu'à 80. Ça va toujours, avec le temps un peu, si on attend 1 milliard d'années, on va voir 1 milliard d'années-lumière plus loin. Puis on attend toujours. Sauf qu'à condition que on ne tente pas de regarder au-delà de ce que la lumière peut nous transmettre. Dans le cadre de la relativité générale de ces modèles, l'espace, lui, peut s'agrandir à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Ah. Donc, les signaux envoyés par les objets au-delà de Ouais. cette limite de la vitesse, ne peuvent plus nous parvenir, ne pourront jamais nous Ah. parvenir. Donc, on est comme isolé dans notre bille de Ouais, c'est 86 ça. milliards d'années-lumière de toute cette zone extrême produite par cette phase initiale de l'inflation. Donc, je pense que je commence à vous étourdir avec les notions Complètement. de. Ouais. Puis là, j'avais une dernière question qui nous aurait peut-être emmené encore plus loin, mais je vois qu'on n'aura pas trop le temps. Je me demandais si les ondes gravitationnelles allaient nous permettre de voir encore plus loin. Mais là, faut faire une réponse très courte. Peut-être. Mais à Peut-être. l'heure actuelle, elle nous amène pas mal au début et l'avantage, c'est que elle nous donne accès à une famille d'objets qui est difficile à voir, les trous noirs, qu'on ne peut Ouais. pas voir, mais les ondes gravitationnelles les détectent, mais elles voyagent à la vitesse de la lumière. Ah, voilà, toujours le même mur. Le mur est là. C'était absolument fascinant cet entretien sur l'horizon cosmologique. Je pensais pas que ça allait nous emmener si loin sans faire de jeu de mots. Alors merci beaucoup Jean-René pour cette exploration des confins de l'univers. Et je rappelle que Jean-René est astrophysicien. Merci Jean-René.